Le rassemblement commémoratif du 70e anniversaire de l'Union des journalistes de Corée s'est tenu le 18 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y étaient présents Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les officiels du comité central de l'Union et des établissements de la presse, journalistes et autres hommes de la presse. Kim Gi-nam a transmis le message de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée à l'adresse des permanents et de tous les membres de l'Union. Le message dit notamment: l'Union des journalistes de Corée, née et renforcée grâce à l'idée éminente des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, qui ont privilégié la plume et la presse, et à leur direction éclairée, est une organisation révolutionnaire des journalistes tutsi. C'est l'organisation puissante de l'éducation idéologique menant les hommes de la presse à défendre et à soutenir le parti et le leader avec leurs plumes et micros. Pendant 70 ans derniers, elle a contribué remarquablement à former les hommes de la presse en entité de la pensée et de la foi et à fortifier la position idéologique du parti en restant fidèle à l'idée et à la direction des grands leaders qui ont mis l'accent sur l'arme et la plume au niveau de la révolution et du développement du pays et du parti qui donne la priorité à la plume et à la presse. Par la suite, l'assistance a écouté un rapport et des interventions.